Lettre d'un théologien à un autre théologien sur le mystère de la Trinité, par Paul Maty, édition Pierre Imbert, 1729. Cette lettre est adressée à Monsieur de la Chapelle. Avertissement. Ceci n'est qu'un précis d'un traité plus étendu sur cette même matière. Si ce traité est donné au public, il sera imprimé en même forme que cette lettre, pour pouvoir être relié dans un même volume. Dans ce traité il n'y aura rien d'ajouté à la doctrine même, sur laquelle l'auteur de cette lettre a expliqué ses sentiments avec toute la clarté et toute la précision qui lui a été possible. Mais les raisons sur lesquelles les sentiments de l'auteur sont fondés et dont quelques-unes ne sont ici simplement qu'indiquées, y seront exposées avec plus de clarté et d'étendue qu'elles n'ont pu l'être dans un si petit écrit. L'instruction du commun des chrétiens étant la principale vue que l'auteur s'est proposée, il tâchera de faire en sorte que tous ceux qui s'étudient à avoir une religion et une foi éclairée soient en état d'entendre ces mystères, et d'emporter leur jugement. Il attend les objections que les autres théologiens pourront lui faire, afin que si la réponse à quelqu'une de ces objections peut servir à éclaircir davantage ce sujet, il puisse joindre cette réponse à son traité. Il invite tous les autres théologiens à concourir avec lui dans la même vue et dans le même esprit afin que tous les écrits qui pourront être faits à l'occasion de celui-ci servent à éclairer et à édifier le public. Chacun d'eux peut se regarder comme étant celui à qui cette lettre s'adresse, et à qui l'auteur demande ses avis, dans un esprit de douceur et de charité. L'auteur espère de la modération de tous ceux qui n'étant pas de son sentiment entreprendront de réfuter que, comme il est séant à des chrétiens, et surtout à des théologiens, ils tâcheront de le combattre par des raisons, et non pas par des invectives, qui ne peuvent éclairer ni édifier personne. Il déclare d'avance qu'il a fortement résolu de ne rien répondre à des arguments de cette dernière sorte, mais de les laisser au jugement de Dieu. Une autre chose dont il prie ceux qui daigneront faire quelques réponses à cette lettre, c'est d'éviter, autant qu'il sera possible, les expressions que les théologiens, et surtout les scolastiques sont introduites, et qui ne sont pas entendues de tout le monde. Ou que s'il ne croit pas se pouvoir passer d'employer quelque expression pareille, il leur plaise de définir cette expression, afin de lever tout équivoque, et qu'il paraisse que l'on ne cherche de part et d'autre qu'à mettre la vérité dans tout son jour. Lettre d'un théologien à un autre théologien. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Tous les systèmes qui ont paru jusqu'à présent se sont écartés de l'écriture à l'égard de quelques points. La cause de cet état a été la même dans tous ceux qui ont embrassé quelqu'un de ces systèmes différents. C'est qu'aucun n'a compris la manière dont on pouvait concilier quatre ordres de passage de l'écriture. Ceux qui regardent l'unité de Dieu, ceux qui regardent la divinité, du Fils, et du Saint-Esprit. Ceux qui regardent la distinction de ces trois personnes. Enfin ceux qui regardent la subordination de l'une à l'autre. Comme personne, de ma connaissance, n'a cru qu'il eût moyen d'expliquer ces quatre ordres de passage selon leur sens propre et naturel, sans mettre une partie de l'écriture en contradiction avec l'autre partie. Cela a fait que sous le prétexte commun d'expliquer l'écriture par l'écriture, chacun de ceux qui ont embrassé quelqu'une de ces opinions opposées, a donné un sens forcé au passage de l'écriture, dont le sens naturel ne s'accordait pas avec le système de cette personne-là, se sont heurtés à cet écueil. On peut compter, selon mon jugement, les trithéides d'un côté, les ariens et les sociniens de l'autre, et les sabelliens et les orthodoxes de l'autre. Vous comprenez qui j'entends par ces derniers. Comme c'est d'eux qu'il est principalement question à présent, je crois pouvoir montrer avec une évidence sensible qu'ils se sont éloignés du sens clair et manifeste des paroles de l'Écriture. Lorsqu'il s'est agi de la distinction que l'Écriture pose entre les personnes divines, et de la subordination qu'elle met entre elles. Il nie absolument la dernière de ces choses, sans en avoir d'autres fondements, si ce n'est que leur système le demande. Quant à la première, bien qu'il fasse profession de la reconnaître, il l'anéantit en effet aussi bien que la seconde, en ne faisant consister cette distinction de propriété ou de mode. Au lieu que l'Écriture nous propose ces trois personnes comme trois êtres intelligents distincts, et subordonnés l'un à l'autre, quoiqu'elle nous les représente aussi comme étant un, et égaux à un certain égard. Il ne faut que lire l'Écriture, s'il est possible, avec un esprit qui ne soit préoccupé d'aucun système, pour apercevoir que les passages qui distinguent les trois personnes, les distinguent comme un être intelligent, et distingués d'un autre être intelligent. Cela est si vrai, que les orthodoxes, qui ne reconnaissent dans ces passages qu'un seul être intelligent distingué de lui-même par diverses propriétés qu'ils appellent personnelles, ne soutiennent leur explication, ni par les passages même qu'ils s'expliquent, ni par quelques lois de l'usage qui puissent autoriser la manière dont ils s'expliquent ces passages. Ils n'ont point d'autre preuve de leur explication, que les conséquences qu'ils se figurent qu'une explication opposée entraînerait après elle. Si l'on se déclarait pour une distinction de substance, les trois personnes seraient trois dieux, et les trois ne pourraient pas être un, comme l'Écriture nous l'enseigne. C'est-à-dire, que l'explication que les orthodoxes donnent à ces passages-là, n'est fondée que sur la pensée qu'ils ont que le sens propre et naturel des susdits passages ne peut point compatir avec les passages qui établissent l'unité de Dieu, l'unité des trois personnes, et la divinité de chacune. Ils appellent cela expliquer l'Écriture par l'Écriture, mais d'autres, qui ne seront pas prévenus pour leur système, l'appelleront plutôt abandonner le sens d'une partie de l'Écriture, pour mettre d'accord cette partie avec l'autre. En effet, si ce n'est pas abandonner le sens de l'Écriture, que de ne vouloir entendre, que d'un seul être qui pense ce qu'elle nous dit de trois bien distincts, chacun desquels nous est représenté comme un être qui pense, et comme un être qui pense distinct de l'autre, je ne vois pas quand est-ce que l'on pourra accuser un interprète d'abandonner le sens de l'Écriture. Pour convaincre les orthodoxes de bâtir sur un fondement ruineux, je n'ai qu'à leur faire sentir qu'ils sont précisément dans les mêmes termes que les trithéites et les ariens. Les partisans de ces deux sectes, se fondant sur la même maxime que les orthodoxes, qu'il faut expliquer l'Écriture par l'Écriture, donnent à certains passages une explication forcée, pour accorder ces passages avec d'autres. Les uns donnent cette explication aux passages qui établissent l'unité de Dieu, les autres la donnent aux passages qui établissent la divinité du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissent, ni les uns, ni les autres, que ce seul moyen d'accorder ces passages avec ceux sur lesquels ils fondent leur système. Si ces trois antagonistes, l'orthodoxe, le trithéite, et l'arien, entraient en dispute chacun pour soutenir ses opinions contre celles des autres, leur différence se réduirait à cette question. Quel d'entre eux est celui qui donne une explication moins forcée au passage que ces deux parties lui opposent? Je ne sais pas comment une telle question peut être décidée. Il me paraît par là qu'un juge qui ne serait prévenu d'aucun système déciderait qu'ils sont tous trois dans le tort à quelques égards, et qu'ils s'appuient tous trois sur une maxime qui est fausse puis que chacun a un droit égal de se l'approprier. Une autre considération par laquelle on peut convaincre les orthodoxes de la fausseté de leurs principes touchant la distinction des personnes, c'est que la différence qu'il y a entre eux et les sabelliens, lesquels ils condamnent comme des hérétiques, est une différence si mince, qu'il est bien difficile de dire en quoi elle consiste, si ce n'est pas dans la manière de s'exprimer. Les uns et les autres ne reconnaissent dans les trois personnes qu'un seul être qui pense? Et si les orthodoxes distinguent ces personnes par des propriétés personnelles, qu'ils ne sauraient dire en quoi elles consistent, mais qui ne laissent pas de devoir être mis au nombre des modes, puisque ce ne sont pas des substances. Les sabelliens distinguent ces mêmes personnes par divers attributs, ou par diverses opérations de la divinité. Ce sont là aussi des modes, et des modes dont on a un peu plus d'idées que ceux que les orthodoxes ont imaginés, ou plutôt dont ils parlent sans pouvoir former d'idées. Qui empêchera les sabelliens, supposez qu'ils veuillent parler le langage des orthodoxes, d'appeler ces attributs ou ces opérations par lesquelles ils distinguent les personnes, des propriétés personnelles, ou des personnalités? Et comment les orthodoxes prouveraient-ils que les propriétés dont ils se servent pour distinguer les personnes, et qu'ils pourraient bien appeler attributs s'ils voulaient, mettent une plus grande distinction entre les personnes divines, que les attributs ou les opérations de la divinité n'y en mettent selon les principes des sabelliens? Il est vrai que les orthodoxes se croient fondés à trouver une grande différence entre leurs sentiments et ceux des sabelliens sur ce qu'ils accusent ceux-ci de ne considérer le Père, le Fils, et le Saint-Esprit que comme de simples attributs, et non pas comme des personnes, c'est-à-dire comme des êtres qui pensent. Dans cette opinion, ils croient avoir solidement réfuté leurs adversaires par les passages de l'Écriture qui nous représentent chacune des trois personnes comme un être qui pense et qui agit. Mais il me semble qu'on devrait avoir la charité et l'équité à l'égard de ceux qui ont des sentiments différents des nôtres, de ne les croire pas extravagants jusqu'au point de se figurer que ces trois dont nous parle l'Écriture ne sont que des attributs ou des opérations détachées de leur sujet qui est Dieu, lesquels cesseraient par cela même d'être des attributs ou des opérations, et deviendraient des substances actives. Ils n'entendent sans doute autre chose, sinon que chacun de ces trois est Dieu même, se manifestant sous quelqu'un de ses attributs, ou bien opérant d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, les sabelliens que j'ai ici en vue, et que je prétends mettre en comparaison avec les orthodoxes, sont ceux qui ont les sentiments que je viens d'exposer. Or, mettant à la place de ces attributs et de ces opérations des propriétés personnelles, les orthodoxes ne veulent dire autre chose que ce que disent les sabelliens dont je parle, où je n'entends point du tout la pensée des orthodoxes. Si les orthodoxes se sont écartés de l'Écriture dans ce qui regarde la distinction des personnes, ils ne s'en sont pas moins écartés dans ce qui regarde la subordination de ces personnes, et leur dépendance les uns des autres. Il nie absolument cette subordination et cette dépendance, et ils ne peuvent pas, selon leur système, se dispenser de la nier. Puisqu'ils ne reconnaissent dans la personne du Fils, considérée avant son incarnation, non plus que dans la personne du Saint-Esprit, rien que la divinité toute pure, avec laquelle toute espèce de dépendance et de subordination est absolument incompatible. Mais si le système des orthodoxes est d'accord avec lui-même en ce point, il est très peu d'accord avec l'Écriture, qui nous représente le Fils et le Saint-Esprit comme dépendant du Père à différents égards. Elle nous les fait regarder comme dépendant du Père à l'égard de leur existence, ou bien de leur subsistance, si les orthodoxes aiment mieux le second terme que le premier, autrement j'aurais cru qu'il signifie la même chose l'un que l'autre. Le Fils et le Saint-Esprit ont donc reçu leur subsistance du Père, l'un par voie de génération, l'autre par voie de procession. Quelque idée qu'on se forme de ces deux expressions, elle marque que le Fils et le Saint-Esprit ont reçu quelque chose du Père. Or avoir reçu de quelqu'un sa subsistance, et subsister dépendamment de quelqu'un ont passé jusqu'à présent pour des expressions synonymes. De même qu'on a cru se bien exprimer en disant que quand on a reçu quelque chose de quelqu'un, on possède cette chose dépendamment de celui de qui on l'a reçu. On peut donc nier qu'il y ait de la dépendance, c'est-à-dire, on peut nier l'expression mais l'idée ne laisse pas de demeurer. Cette même dépendance se prouve par l'envoi du Fils et du Saint-Esprit, et par les autres considérations que l'Écriture nous fournit, comme vous savez. Pour nier que ce soit là une dépendance, les orthodoxes auront recours en vain à ce qu'ils appellent économie, par laquelle ils prétendent accorder avec l'indépendance qui est essentielle aux trois personnes, tout ce que l'Écriture nous dit qui marque quelque dépendance entre elles. S'ils entendent quelque chose par ce mot économie, leur pensée est que ça a été par un pur effet de leur consentement, que le Fils et le Saint-Esprit se sont chargés pour un temps des fonctions en vertu desquelles ces deux personnes sont regardées comme inférieures au Père. Je ne leur demanderai pas ce qu'ils peuvent appeler consentement entre trois personnes qui, selon eux, ne sont qu'un seul et même être qui pense. Les orthodoxes ne sauraient m'expliquer leurs pensées, car je suis persuadé qu'ils ne l'entendent pas eux-mêmes. Mais tenons-nous-en à l'idée que leurs expressions nous donnent. Je dis donc que consentir à dépendre, c'est toujours dépendre, de la même manière qu'un peuple se rend dépendant de celui qu'il élit volontairement pour être son roi. Et dépendre pendant un temps, c'est aussi dépendre. Ainsi à tous ces égards les orthodoxes ne sauraient se dispenser, s'ils s'en tiennent à l'Écriture, de reconnaître quelque dépendance entre les personnes divines. Je pense avoir démontré que les orthodoxes se sont écartés de l'Écriture à l'égard du sens des passages qui établissent la distinction et la subordination des personnes divines. Mais si l'on entend ces passages selon l'idée qu'ils présentent naturellement à notre esprit, le moyen de les concilier avec ces deux autres ordres de passages dont j'ai fait mention au commencement de cette lettre, le moyen de n'être ni trithéite, ni arien, à moins que de devenir sabellien, ou de prendre le parti que les orthodoxes ont embrassé? Voilà la difficulté, et je crois pouvoir dire hardiment, fondée sur l'évidence, que Dieu m'a fait la grâce d'en trouver la vraie et l'unique solution. Il m'est venu dans la pensée que l'on peut concilier fort bien ces quatre ordres de passage les uns avec les autres, sans donner à aucun d'eux une explication forcée, et en les entendant naturellement. Comme aussi sans dire rien qui ne puisse être entendu, et sans faire passer des expressions inintelligibles à la faveur de l'incompréhensibilité du mystère. Il n'y a qu'à examiner s'il ne serait pas possible de concevoir que les trois personnes fussent un seul être intelligent à un certain égard, et trois êtres intelligents à un autre égard, et que ces trois êtres intelligents fussent égaux en un sens. La chose me paraît fort possible, est la doctrine de l'incarnation de Jésus-Christ. Doctrine que je reçois avec une persuasion entière comme elle est reçue et enseignée parmi les orthodoxes me fournit la clé et le dénouement de tout l'énigme. Selon les orthodoxes, l'union des deux natures en Jésus-Christ sert à concilier divers passages de l'Écriture qui parlent de lui d'une manière contradictoire, à ce qu'il paraît, le faisant tantôt égal, tantôt inégal au Père. On n'a qu'à suivre ce même chemin, et l'on trouvera qu'il n'y a plus de difficulté en rien, et que l'Écriture est en tout parfaitement d'accord avec elle-même. Que l'on conçoive seulement que le Père c'est la divinité toute pure, et que le Fils est le Saint-Esprit, je parle du Fils considéré soit avant, soit après sa venue en chair, sont deux autres personnes, en chacune desquelles il y a deux natures. Une nature divine, qui est la même dans chacune des trois personnes, et au regard de laquelle ils sont un seul et même Dieu, ayant une même essence divine, unique non seulement en espèce, mais en nombre, et outre cela une nature finie et dépendante, unie avec cette nature divine, de la même manière que les orthodoxes enseignent que Jésus-Christ est Dieu et homme. Voilà un fondement d'unité, voilà un fondement de distinction, voilà un fondement d'égalité, voilà un fondement d'inégalité et de subordination. Quand les trois personnes sont comparées entre elles, quand il est fait mention des différentes relations qu'elles ont l'une avec l'autre, elles ne soient pas considérées au regard de ce qu'elles ont de commun, qui est la divinité, mais au regard de ce qu'elles ont de particulier, et qui les distingue. Ainsi comme il n'y a que la divinité toute pure dans la personne du Père, il est naturel que les deux autres personnes soient représentées comme lui étant inférieures, et comme dépendant de lui. Dans ces occasions, ce n'est pas la divinité qui est mise en comparaison avec la divinité, mais la divinité est comparée avec deux natures dépendantes, auxquelles il a plu à la divinité de s'unir. Ce peu de mots suffit pour vous donner l'idée de tout mon système. Il vous sera aisé d'apercevoir qu'il s'accorde avec la doctrine des orthodoxes, en tout ce qu'ils ont fait profession jusqu'ici, de regarder comme essentiel au salut l'unité de Dieu, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la distinction de ces trois personnes, l'incarnation de Jésus-Christ et la satisfaction. Ce sont là tout autant d'articles sur lesquels ma doctrine et celle des orthodoxes est la même. Il n'y a que cette différence. Ils disent que cette distinction de personne est une distinction de mode, et je soutiens que c'est une distinction de substance. Ce qu'il y a de particulier dans mon système semblera peut-être, à la première vue, appuyé sur des suppositions arbitraires, tirées de mon cerveau, et qui n'ont aucun fondement dans la révélation. Je me crois, au contraire, en état de prouver, par des démonstrations aussi évidentes que des démonstrations mathématiques puissent être, que tous les articles qui composent mon système sont fondés sur l'autorité de l'Écriture. Déjà s'il n'est question que de comparer mon système avec tous ceux qui ont paru jusqu'ici sur la Trinité, pour décider par cette comparaison quel est celui qui doit être préféré aux autres, il ne sera pas besoin d'un long examen pour s'assurer que le mien s'accorde beaucoup mieux avec la raison et l'écriture qu'aucun des autres systèmes. Celui-ci n'a rien de contradictoire, ni de fait, ni en apparence. Il ne contient rien d'opposé à quelqu'une de nos lumières naturelles. Il ne renferme rien d'inintelligible. Il ne donne à aucun passage de l'écriture un sens forcé. Quel autre système, sans excepter celui des orthodoxes, peut le disputer au mien à tous ses égards? Or, si un système qui a tous ses avantages ne doit pas être préféré à ceux à qui il en manque plusieurs et des plus essentiels, qu'on me dise quelles sont les conditions requises pour qu'il faille donner la préférence à quelques systèmes. J'avoue que parmi les suppositions qui composent mon système, il y en a une qui n'est pas formellement contenue dans l'Écriture, c'est celle qui attribue au Saint-Esprit une nature finie jointe avec la nature divine. Mais cette supposition résulte de l'union de tous les passages qui parlent du mystère de la Trinité, puisqu'elle fournit un moyen d'expliquer tous ces passages d'une manière naturelle, et de les concilier entre eux. Ce qu'aucun système différent de celui-ci n'a encore su faire, ni ne pourra jamais faire. On est assuré qu'on a trouvé le vrai sens d'une énigme, quand on peut faire une supposition qui s'ajuste parfaitement avec toutes les expressions qui composent l'énigme, et qui fait évanouir toutes les contradictions que l'énigme semble renfermer. Il est aisé d'appliquer à mon système ce que je viens de dire, si l'on ne trouve pas que ce soit là une raison suffisante pour le devoir admettre. Il faudra bannir de la théologie et de la religion toutes les doctrines qui ne sont tirées de l'Écriture que par la voie des conséquences, et qu'on regarde comme appuyées sur l'Écriture, parce que ce n'est qu'en les supposant qu'on peut concilier divers passages entre eux. Je vous laisse à juger jusqu'où cela peut aller. L'union de deux natures en la personne du Fils avant même son incarnation, est une des principales suppositions qui composent mon système. Je puis avancer que cette supposition est contenue formellement dans l'Écriture, et je suis en état de l'établir sur des preuves pareilles à celles sur lesquelles on appuie le dogme de l'incarnation. Ces preuves sont prises de tous les passages de l'Ancien Testament où le Fils de Dieu est appelé ange ou envoyé de Dieu. Tel est celui de l'Exode chapitre 23. 20-21. Voici, j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin, et qu'il t'introduise au lieu que je t'ai préparé. Donne-toi garde de le mettre en colère, et écoute sa voix, et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Les orthodoxes sont persuadés par des preuves incontestables que cet ange de Dieu était Dieu même et qu'il était la propre personne du Fils de Dieu. Mais j'ajoute à ce qu'ils disent sur ce sujet que si l'on compare tous ces endroits où il est nommé tantôt Dieu, tantôt ange, ou tantôt il est représenté comme Dieu même, tantôt comme un être dépendant de Dieu, il est naturel de conclure de tous ces passages conférés l'un avec l'autre, que s'il était Dieu, il était en même temps un ange, c'est-à-dire un être intelligent fini, auquel Dieu était uni personnellement. Mon raisonnement est aussi juste que celui des orthodoxes, qui conclut qu'il est Dieu et homme depuis sa venue au monde, fondé sur les passages où il est appelé Dieu, joint à ceux où il est appelé homme. Je souhaite en particulier que l'on fasse attention à celui que je viens de citer. Voici j'envoie un ange, parce que mon nom est en lui. On voit ici deux natures distinctes. On y voit la nature divine, car le nom de Dieu qui est en cet ange, c'est Dieu même. De plus, ce qui appartient à Dieu en propre lui est attribué, comme de pardonner ou ne pas pardonner, de punir ceux qui l'offensent, etc. Une nature finie et dépendante lui est aussi attribuée. Le nom d'ange, la qualité d'envoyé de Dieu marque assez une telle nature. Enfin ces paroles, mon nom est en lui, marque l'union et la distinction tout ensemble de ces deux natures, le nom de Dieu étant distingué de celui en qui le nom de Dieu se trouve. C'est ainsi que l'union personnelle des deux natures en Jésus-Christ se prouve par ces passages. Dieu a été manifesté en chair. 1, Timothée 3, 16. La parole a été faite chair. Jean 1, 14. Enfin, tout ce système est appuyé sur deux principes que je viens de démontrer par l'Écriture sainte. L'un est que la distinction des trois personnes est une distinction de substance à substance. L'autre est que le Fils et le Saint-Esprit sont subordonnés au Père, et que le Saint-Esprit est subordonné au Fils à certains égards. Tous les orthodoxes sont prévenus généralement de l'opinion que ces deux principes ne peuvent point s'accorder avec les autres dogmes que l'Écriture nous enseigne. Et cette prévention est la seule et unique cause qui fait qu'ils rejettent ces deux principes, quoiqu'en les rejetant ils s'éloignent du sens naturel d'un très grand nombre de passages de l'Écriture où ces deux principes sont contenus. La nécessité où les orthodoxes ont cru être d'expliquer ces passages-là de la manière qu'ils ont fait, les a contraints de passer sur tous les inconvénients d'une explication qui irait à rendre toute l'Écriture inintelligible, si l'on suivait la même méthode partout ailleurs. À présent que je viens de montrer par la simple exposition du présent système, qu'il n'y a rien qui oblige à recourir à des explications si peu naturelles, la raison veut que l'on regarde les deux principes mentionnés ci-dessus comme des vérités que l'Écriture nous a révélées, d'une manière aussi claire, qu'aucune autre vérité qui nous soit connue par la révélation. Or ces deux principes, étant une fois posés, me fournissent deux arguments invincibles, qui démontre tout mon système. Voici le premier. Puisque le Fils est distingué du Père comme un être intelligent et distingué d'un autre être intelligent, il faut qu'il y ait dans l'une de ces deux personnes un être intelligent qui n'est pas dans l'autre. Deuxièmement, cet être intelligent, qui est dans l'un des deux et n'est pas dans l'autre, doit être un être intelligent fini, puisque la divinité, qui est un être intelligent infini, est dans l'un et dans l'autre, et qu'il ne saurait y avoir plus d'un Dieu. Troisièmement, celle de ces deux personnes en qui cet être intelligent fini se trouve, participe aussi à la divinité. Donc il faut que cette personne soit composée de deux natures, l'une qui est Dieu, l'autre qui est un être intelligent fini. Quatrièmement, il n'est question que de savoir si c'est le Père, ou le Fils qui est composé de ces deux natures. Or nous n'avons aucune raison qui nous détermine à supposer que c'est le Père, et nous avons des raisons très fortes de juger que c'est le Fils qui est composé de ces deux natures. Cinquièmement, donc le Fils, outre la nature divine qui lui est commune avec le Père, a une nature intelligente finie qui lui est particulière, et qui le distingue de la personne du Père. Je ne vois pas ce qu'on peut opposer à aucune de ces cinq propositions. On peut faire un raisonnement tout pareil sur la personne du Saint-Esprit, et ce qu'on vient de conclure du Fils, on le conclura du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule chose à y ajouter, qui est que cette intelligence finie qui distingue le Saint-Esprit du Père, doit être différente de l'intelligence finie qui distingue le Fils du Père. Puis que le Saint-Esprit est aussi distingué du Fils comme un être intelligent et distingué d'un autre être intelligent. Afin donc que les trois personnes soient distinguées l'une de l'autre de la manière que l'Écriture les distingue, il faut qu'il y ait entre elles trois intelligences, une infinie, qui est Dieu, et qui est commune aux trois personnes, et deux autres finies, qui sont particulières au Fils et au Saint-Esprit, et qui, distinguant ces deux personnes du Père, les distingue en même temps l'une de l'autre. Vous venez de voir en quoi consiste mon argument. Markendanarchive.org. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.